temps encore si la science-fiction, au sens le plus large du terme, était encore politique en 2019 et à l'aube de l'effondrement de nos sociétés. C'était sans tourner le regard à l'Est et sur l'œuvre de Dmitri Gloukovski, rendu célèbre par la trilogie Métro 2033, 34 et 35, adaptée en jeu vidéo. Une dystopie qui emprunte autant à l'univers des frères Strugatsky qu'à leur adaptation cinématographique par Tarkovsky. Un univers noir, désespéré, qui raconte en creux la survie dans une Russie post-effondrement, maniant un ton qui varie entre la gravité et l'humour grinçant, toujours très noir. Gloukovsky rappelle que la littérature de genre est un prisme de critique sociale et politique aussi puissant qu'affûté. Gloukovsky, le printemps russe, c'est notre invité spécial aujourd'hui, ici en direct et en public du salon Livre Paris. Bienvenue dans la méthode scientifique. Bonjour. Et bonjour Dmitri Gloukovsky. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup, on est sincèrement très très heureux et très fiers de vous recevoir dans cette émission. Vous êtes publié en France chez l'Atalante qui fête cette année son 30e anniversaire. On l'a fêté ici, on leur re-souhaite. Ouais. Un très joyeux anniversaire. Texto, qui est un roman noir, vient de sortir fin janvier donc chez l'Atalante. Les nouvelles de la mère patrie, un recueil de nouvelles dystopiques, s'est sorti il y a quelques mois. Tout ça, vous êtes traduit en français par Denis Detraz, Denis Savine et Julia Vanid. Il faut le préciser, parce que le travail de traduction de l'Atalante est toujours très important. Et on va vous retrouver dans quelques minutes, mais comme tous les vendredis, elle est une sorte d'incarnation de la mère patrie des sciences. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Le Journal des Sciences. Et on commence ce premier sujet du Journal des Sciences avec les avancées des innovations en matière de recyclage du plastique, Natacha. Oui, en ce moment, des marches pour le climat se déroulent partout en France. Et la question du plastique, de l'épidémie plastique, est un enjeu écologique majeur. Alors, dans le dernier rapport de WWF, les chiffres étaient alarmants. La production mondiale de plastique ne cesse d'augmenter et il reste très peu recyclé. La France, par exemple, un des plus gros pays consommateurs, n'en recycle que 21%. Alors, en Auvergne, la société Carbios vient d'inventer un nouveau procédé de recyclage. Alors, traditionnellement, pour recycler le plastique, le PET présent dans les emballages, on passe par un procédé thermomécanique. Là, c'est un procédé chimique qui fonctionne grâce à une enzyme d'origine bactérienne. Cette méthode permet d'extraire 100% de PET d'une bouteille. Martin Stéphan est directeur général adjoint de Carbios. On est sous le secret industriel, mais il nous parle des avantages de cette innovation. Le principe est relativement simple, puisque dans un grand réacteur d'hydrolyse, vous mettez des déchets PET, de l'eau, notre enzyme, vous mélangez de façon pas très sophistiquée, et l'enzyme va déclencher la réaction. Vous savez qu'une enzyme, c'est un catalyseur biologique, et là, nous avons optimisé l'enzyme, elle déclenche une réaction de dépolymérisation du PET. Donc, une fois que cette réaction a eu lieu, il suffit de purifier et de filtrer pour récupérer les monomères à des degrés de pureté qui sont compatibles avec un nouveau traitement en pétrochimie pour refaire du polymère derrière. Donc nous déconstruisons le PET, nous en faisons des monomères de base qui ont servi à le fabriquer à l'origine, ce qui permet de recycler à l'infini n'importe quel type de déchet PET en n'importe quel type d'objet PET puisque nous repassons par le monomère. C'est de ce qu'on appelle l'upcycling, c'est un mot un peu à la mode en ce moment, c'est-à-dire que au lieu de faire de la réutilisation qui est plutôt du downcycling où vous perdez un petit peu de caractéristiques à chaque boucle de réutilisation, nous on fait de l'upcycling, c'est-à-dire qu'à partir d'un déchet qui a peu de valeur, on recrée une matière noble qui a la qualité de la matière vierge. Le déchet devient une matière première au même titre que les matières premières pétrochimiques. Voilà, et autre information concernant le recyclage du plastique, la Norvège est parvenue à recycler 97% de ses matières plastiques. Oui, alors comment justement, quelle stratégie adopter? Le pays a d'abord mis en place un système de consigne, c'est-à-dire que sur chaque achat d'une bouteille en plastique par exemple, un supplément est facturé, mais il peut être récupéré en déposant la bouteille dans un guichet automatique. De plus, la Norvège a mis en place une taxe environnementale pour les producteurs de plastique. Plus la société recycle, plus la taxe est basse. Et si elle parvient à recycler plus de 95% de ses déchets, la taxe est supprimée. Donc là, on voit comment le pays a réussi à donner une valeur économique au recyclage. Christian Duquesnoy est physicien-chercheur à l'IRSTEA, l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture. Pour lui, c'est un modèle intéressant, mais ce n'est pas le meilleur. Il s'agit de recycler, alors je pense que c'est essentiellement le polytéréphtalate d'éthylène qui compose la majorité des bouteilles en plastique, pour en refaire des bouteilles. Donc c'est un recyclage, un peu ce qu'on pourrait appeler du berceau au berceau, puisqu'on refait, en recyclant la matière, le même objet que l'objet initial. Dans toute cette boîte à outils de l'économie circulaire, finalement, le recyclage n'est pas la meilleure idée, la meilleure solution, la meilleure nouvelle. Hein, parce qu'il y a des impacts, comme tout procédé de transformation de la matière, on a des impacts sur l'environnement, on a des impacts sur la consommation de ressources fossiles, d'énergie fossile, et sur la production de gaz à effet de serre. Aussi bien quand on va transporter les matériaux depuis les lieux de collecte jusqu'aux usines de recyclage, que pour les procédés de recyclage eux-mêmes. S'il y a des priorités à donner en termes d'efforts, d'incitation, mais c'est plutôt sur la réduction de la production de déchets, le changement de nos modes de consommation, plutôt que sur le recyclage en tant que tel. Ça, c'est vraiment ce qui est promu en premier dans l'économie circulaire, c'est de réduire la production de déchets pour ne pas avoir à les recycler. C'est pas une si bonne nouvelle que ça, je suis désolé de jouer les rabat-joie, mais c'est une nouvelle que j'appellerais de milieu de tableau, entre une très mauvaise nouvelle qui serait d'apprendre qu'on rejette 97% des plastiques, ce qui est pas loin d'être le cas. Une très bonne nouvelle, ce serait d'apprendre qu'on a réduit notre consommation de plastique et de bouteilles en plastique de 97%. Ça, ce serait vraiment l'excellente nouvelle. Et après un excellent solo d'harmonica que vous venez de rater au salon du Livre Paris ici, à la porte de Versailles, on va passer au bref. Le satellite européen Remove Débris a réussi ses premiers essais de ramassage de débris spatiaux, Natacha. Les débris spatiaux, c'est un problème grandissant. 166 millions de déchets de toute taille tournent en orbite autour de la Terre. La collecte, alors là, c'est fait à l'aide d'un harpon et d'un filet. Le tout est ensuite détruit, désintégré en entrant dans l'atmosphère terrestre. L'Agence spatiale européenne prévoit de nouveaux tests ces prochaines semaines. Et la pollution de l'air fait plus de morts qu'on ne pensait. Et chaque année, elle serait responsable de près de 9 millions de morts dans le monde. La pollution de l'air fait donc plus de morts que le tabac. L'étude rappelle que les conséquences sur la santé ne sont pas que respiratoires. L'exposition aux particules fines augmente les risques de pathologies cardiovasculaires. On estime que 90% de la population mondiale respire un air qui ne respecte pas les limites recommandées pour protéger la santé. Deuxième sujet du journal des sciences cette semaine, le CHU de Rennes lance une campagne de financement pour mener une grande étude sur la mort subite des jeunes sportifs. C'est un peu comme la mort subite des nourrissons, c'est un syndrome qu'on ne comprend pas bien. Le phénomène touche 1000 Français par an, professionnels comme amateurs. Chez les plus de 40 ans, dans la majorité des cas, l'infarctus du myocarde est le premier responsable. Mais pour les jeunes de moins de 40 ans, pour un cas sur deux, on ne trouve pas les causes, même après une autopsie. Une fois sur trois, il n'y a généralement aucun symptôme, ni aucune maladie identifiée. Alors dans un contexte de repli de soutien à la recherche, le CHU de Rennes et la Fondation Cœur et Recherche lancent un appel aux dons pour mener cette étude. Dans le paysage français, c'est une étude assez innovante, elle prévoit des autopsies systématiques ainsi qu'une vaste analyse génétique post-mortem. Philippe Charon est cardiologue et généticien à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il s'est engagé dans ce programme. Ce qu'on fera dans cette étude, c'est qu'on fera d'emblée un séquençage de l'exome entier. On sait que les maladies cardiaques héréditaires constituent un groupe de pathologies responsables et donc on peut les identifier beaucoup mieux par le test génétique, parfois que par l'autopsie simple, parce que notamment dans les causes génétiques, on a des maladies qu'on appelle les cardiomyopathies qu'on dépiste aussi sur l'autopsie conventionnelle, parce qu'il y a des anomalies qu'on va retrouver dans la structure du myocarde. Et puis, il y a un groupe de maladies génétiques qui sont des maladies électriques, qu'on ne dépiste pas sur l'autopsie, et donc le test génétique peut être amené à identifier des mutations dans des gènes que l'on sait responsables de maladies électriques, comme le syndrome du QT long, par exemple, ou d'autres maladies un peu particulières qui touchent notamment le sujet jeune. Et si on ne trouve pas dans les gènes connus jusqu'à présent dans la littérature, eh bien le séquençage du génome nous permettra de tester des hypothèses sur de nouveaux gènes ou des nouveaux facteurs génétiques qui pourraient être responsables de cette mort subite. Et aujourd'hui, c'est la journée internationale du sommeil. Mardi, Santé publique France publiait son rapport sur le sommeil des Français. Nous dormons de moins en moins, Natacha. Oui, en France, en moyenne, on dort moins de 7 heures par nuit, 6h42 minutes précisément. La dette de sommeil augmente, un tiers des Français dort moins de 6 heures et nous sommes environ 13% à souffrir d'insomnie chronique. L'étude rappelle que le manque de sommeil augmente les risques d'obésité, de diabète, d'hypertension et de problèmes cardiaques. Voilà, et lundi, la méthode scientifique sera précisément consacrée au problème des insomnies. En bref, toujours le prix Le Goût des Sciences vient tout juste d'être remis ici à Livre Paris. Il revient au physicien Étienne Guillon pour son ouvrage Du Merveilleux caché dans le quotidien aux éditions Flammarion. Et c'est un livre sur les mécanismes physiques qui régissent les formes et les fonctions des objets qui nous entourent, la tour Eiffel à la toile d'araignée en passant par la feuille de salade. Depuis 2009, le prix des Goûts des Sciences met à l'honneur un livre scientifique accessible à tous. Les chercheurs du CEA et de l'Institut de Recherche sur la Fusion Magnétique lancent l'organisation du Festival de Théorie à Aix-en-Provence. C'est une manifestation scientifique internationale qui réunit autour de congrès une trentaine d'experts en physique. Cette 10e édition est prévue pour juillet, mais le festival est à la recherche de financement pour son bon déroulement. Et on termine par cette brève que vous attendez tous en fin de Journal des Sciences, la brève de Science Improbable. Et vous avez choisi une bonne brève aujourd'hui, Natacha, pour la dire en public. Il va falloir l'assumer maintenant. Alors c'est dans la revue Invertébrate Biologie qui relate une découverte d'une espèce d'animal dotée d'un anus éphémère. Alors on sait que certaines espèces n'ont pas de rectum et font leurs besoins par la bouche. Là, pour cette minuscule créature aquatique qui est plutôt proche de la méduse, c'est un anus qui apparaît et qui disparaît environ une fois par heure selon les besoins. Alors le fonctionnement, je vois les yeux du public, Dimitri Lecortier en train de passer sous la table, il se demande à quelle émission il est venu. Alors le fonctionnement de cet anus éphémère, c'est que l'intestin gonfle, fusionne avec l'épiderme et forme une pore anale qui éjecte les déchets, puis elle se referme immédiatement. Voilà, alors, comme ce journal qui se referme immédiatement, on va s'en tenir là. Merci beaucoup, merci. Natacha. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain Journal des Sciences. Peut-être un mot, Dimitri Glukowski. Vous faites vos romans, on va en parler, sont plus de la dystopie. Néanmoins, il y a quand même une composante scientifique. Vous intéressez à l'actualité des sciences? D'abord, je dois vous remercier pour le fait que le lien entre les autres sujets et ma création littéraire, ça a été le sujet sur l'anus virtuel, fantôme et les déchets. Et, éventuellement, ma création très proche à déchets. De méduse minuscule. C'était quoi la question? La question, c'est est-ce que vous vous intéressez à l'actualité scientifique? Est-ce qu'il y a des domaines de sciences que vous suivez particulièrement ou qui vous intéressent? Enfin, moi, je suis un représentant typique de marché en masse. Donc, je lis tout ce que les médias nous proposent à lire. Et si c'était, du coup, c'est des articles qui essaient de populariser les sciences, je les lis avec plaisir. Mais c'est surtout que j'ai deux, trois médias, surtout russophones, que je suis. Et si il y a des articles qui m'intéressent, alors bien sûr. Moi, et depuis, je lis des certains articles, je fais certaines recherches selon le besoin. Je veux dire, si j'ai un bouquin qui s'appelle Futur, qui parle d'une possibilité de jeunesse éternelle grâce à la thérapie génique, qui change éventuellement le visage du monde entier par faisant une jeunesse éternelle dans rêve, la transformant en réalité, en faisant une thérapie qui est couverte même par l'assurance sociale. Donc là, bien sûr, pour explorer ce sujet-là, je devais, pour ne pas être trop naïf ou trop utopiste, parce que c'était d'abord une dystopie, je devais bien sûr explorer le sujet en lisant de certains sujets, en voyant de certains, regardant certains documentaires, etc., etc. Si maintenant j'ai un projet éventuel axé sur l'intelligence artificielle, c'est clair qu'avant d'aborder ce sujet tellement important et tellement chaud, il faut d'abord assurer de n'avoir rien oublié, comme ils le disent dans le métro parisien. Et il faut être bien au cours de ce qui se passe maintenant dans ces sciences. Voilà, donc c'est comme ça que je m'intéresse à la science. Je m'intéresse beaucoup plus à la propagande, aux mensonges, manipulation et projection de peur comme moyen de gouverner les nations. Ça, c'est mon sujet d'intérêt naturel, parce que moi, je suis par formation journaliste politique et axé sur les relations internationales. Donc, si quelque chose m'intéresse, c'est surtout les manipulations de société. Voilà, ça, c'est ma passion. Et les sciences, c'est le boulot. On va revenir sur l'ensemble de votre carrière tout au long de cette heure. La méthode scientifique en direct du salon Livre Paris. Ici, à la porte de Versailles, nous recevons aujourd'hui Dmitri Glukhovski, donc auteur de plusieurs ouvrages, notamment ceux qui vous ont rendu célèbre la trilogie Métro, Métro 2033, 34 et 35, Futur, qui s'écrit futu.re, Les Nouvelles de la Mère Patrie qui viennent de sortir, tout ça chez La Talente. On va faire un petit retour justement sur votre carrière, parce que vous avez une carrière assez passionnante. Vous êtes né à Moscou le 12 juin 1979. Votre grand-père était rédacteur en chef du journal satirique Crocodile. Est-ce que ça veut dire que vous avez baigné assez jeune dans un milieu politiquement assez contestataire déjà? Bah, je dirais, ouais. Mais à l'Union soviétique, tout le monde a été baigné d'une façon très brusque et voilà, imprévue dans le monde politique. Parce que nous, je pense bien que dès la crèche, on a été déjà endoctriné par une vision très idéologique qui présentait le monde dans les couleurs des idéologies communistes. En présentant notre passé comme un passé qui commençait dans les jours de la grande révolution d'octobre de 1917, ouais, voilà, et qui avait comme futur un projet communiste qui devrait rendre le monde en meilleur endroit, un endroit heureux et juste. Et on existait dans ce paradigme très fantôme, juste comme l'anus de cette méduse. Et merci encore pour me donner beaucoup d'occasions pour m'inspirer de cette métaphore. Voilà. Et on existait bien dans un monde plutôt imaginaire, qui est très transpercé par l'idéologie. Donc c'était très naturel. Bon, et comme vous avez dit, mon grand-père, il était en rédacteur en chef artistique du magazine le plus fameux de l'Union soviétique, satirique, qui ne faisait que critique des États-Unis, bien sûr. C'est comme en France ici maintenant. Donc, mon père, il travaillait pour la radio soviétique en faisant des émissions en serbo-croate. Mais bien sûr, il couvrait la politique officielle d'une façon qui ne permettait pas des doutes. Parce que c'était juste un point de vue à l'époque. Juste comme maintenant en Russie chez nous, où il y a un point de vue, il n'y a pas d'autre. Donc moi, dès le début, j'étais assez politisé, dès mon enfance. Et mes premiers articles d'opinion sur grand-père Lénine, je les ai écrits quand j'avais 6 ans, plus ou moins. Et bien sûr, j'ai glorifié M. Lénine pour tout le bien qu'il a fait pour l'humanité, en essayant de nous rendre beaucoup plus heureux que nous étions, pendant les temps de Tsar. Au moins, j'étais pas staliniste. J'étais juste un léniniste. C'était beaucoup plus sympa. En tout cas, après, j'ai eu ma formation. L'Union soviétique terminait d'exister en l'année 1991. Moi, j'avais 12 ans. Donc, j'ai vécu cette transformation importante, la chute de l'Union soviétique, la disparition du camp de Pâques de Varsovie. Et puis, quand j'avais 16 ans, je suis parti pour faire des études en Israël, vu que mon père, ethniquement, est juif, mais religieusement pas. Donc j'ai eu cette occasion d'y aller, et je suis allé, et en sachant rien sur l'Israël, ni sur le conflit israélo-palestinien, ni même ne sachant pas que le monde entier, sauf nous, pense que c'était les Américains qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Nous, on était entièrement convaincus, c'était que c'était nous. Au moins, on a gagné la grande guerre patriotique. Et le reste, c'était pas si intéressant que ça. Donc, voilà, j'ai dû confronter une opinion complètement différente sur ce qui passait dans le monde, dans l'histoire. Et c'était la première fois, peut-être, quand j'étais étudiant de cours des relations étrangères à l'université de Jérusalem, que j'ai fait des découvertes qui ont dû un peu changer mon opinion sur les notions de vérité, et surtout la vérité historique, et de l'idéologie. Et depuis ce temps-là, je pense que j'ai été vacciné à vie contre les essais de manipuler autant l'agenda d'information d'aujourd'hui, quotidien, que de changer l'histoire. Même avant que j'ai dû lire 1984, j'ai eu des idées très parées. Et immédiatement, j'ai décidé d'utiliser le genre qui m'a été le plus proche, c'était la science-fiction, comme moyen de parler des thèmes sociaux et des thèmes politiques qui, depuis ce temps-là, m'inspiraient beaucoup. Alors, on va revenir sur la jeunesse, parce qu'effectivement, vous avez commencé à écrire Métro 2033 très tôt. On va y revenir, mais avant cela, j'aimerais qu'on parle peut-être un peu de votre parcours. Déjà, vous dites que votre genre de prédilection, c'est la science-fiction. C'est quoi votre premier contact, justement, avec cette littérature de genre, la SF de... Bien sûr que pour un russe moyen, les auteurs de science-fiction les plus connus sont les frères Strugatsky. Ce sont les auteurs des bouquins qui ont été adaptés après par... Monsieur Tarkovsky comme Stalker, en pique-nique au bord de la route, s'appelle l'original. Puis ils ont plus de dizaines de romans qui sont très impressionnants, vraiment, et qui parlaient autant de manipulation sociale que d'essais d'effectuer, de passer en des expériments globales sociales comme changement de la routine sociale. Bon. Instauration de notre régime politique, etc., etc. Bon, Stalker critique. Qui est publié chez De Noël en France. Voilà, ouais. Dans ça, la collection Lune d'encre. Ou une ville, The Doomed City, en anglais, une ville condamnée, je pense, en français. Ben, il y a de plusieurs romans qui ont été très impressionnants et qui parlaient autant de l'utopie, dystopie, de la réalité soviétique, en métaphore, parce que bien sûr, pendant les temps de l'Union soviétique, on ne pouvait pas ouvertement ni dans la littérature blanche, ni dans les médias, parler de la situation politique, ou même sociale, ou même des essais de l'Union soviétique influencés des pays du tiers-monde. C'était absolument bloqué, bien sûr, dans la littérature blanche ou les médias. Et la seule façon de le discuter, et c'était le thème très important, parce que nous, on continuait de se mélanger dans la politique des pays du tiers-monde, de l'Afrique jusqu'à l'Amérique du Sud, sans pouvoir... de fournir un certain niveau de la vie à sa propre population. Donc les gens continuaient de souffrir. Ben, à l'Union soviétique, on souffrait toujours. On souffrait parce qu'on devait consacrer toute notre vie et toute notre vie au projet de construction de communisme. Après, on devait souffrir parce qu'on était attaqué par les Allemands. Après, on devait souffrir parce que nos leaders ne comptaient pas nos vies dans cette lutte. Et c'est juste jeter les corps de nos ancêtres contre les mitraillettes allemandes. Et après, c'était encore une fois une faillite économique parce que ils voulaient prouver à tout prix que le projet communiste était faisable. Et donc là, on devait encore et après, c'était présenté chez nous comme décolonisation, comme notre contribution au processus de décolonisation anti-occidentale. Mais si on le regarde d'ici, c'est clair que c'était le projet colonial russe, en fait soviétique, qu'on essayait de rentrer dans les sphères d'influence traditionnelles des pays d'Occident, comme l'Afrique, qu'on sert d'influence ancien français, ou l'Amérique du Sud, comme les sphères d'influence des États-Unis ou d'Espagne, culturellement, et d'y mettre notre pays là-bas. Et chez nous, c'était présenté comme aide aux jeunes régimes indépendantistes, voilà, qui avait une certaine sympathie pour l'idéologie gauche. Mais c'était encore une fois les citoyens russes simples qui devaient payer pour l'inefficacité du système économique russe et pour les ambitions mondiales colonialistes, en fait, parce que c'est toujours colonialisme, même sous un visage plutôt gauche, mais peu importe, de nos leaders. Et donc, Strugatsky, il parlait là-dessus aussi, sous une guise des explorations spatiales ou dans futur distant, etc. Est-ce qu'on peut du tout avancer par force le développement des pays du tiers-monde? Est-ce qu'on doit le faire? Est-ce qu'on a le droit de le faire? De briser et de casser leur façon habituelle, les traditions, la vie de tradition, et pour les moderniser de force? Est-ce que c'est éthique du tout? Donc c'était une des questions que moi je retiens de ce temps-là que j'explorais la fiction de Frère Strugatsky. Mais c'est commencé beaucoup plus avant parce que il y avait un écrivain très très connu qui faisait science-fiction pour les enfants, qui s'appelait Kir Bulichov, et qui a septologie, octologie, je ne sais pas combien, des bouquins sur une fille, Alissa, qui vit dans un monde de communisme qui a gagné, qui a vaincu. Une utopie communiste qui aurait réussi. Super sympathique. Voilà, et c'est peut-être le seul... Après, Yefremov, le seul exemple d'une utopie communiste qui est sympathique. Donc voilà, le monde est un, et c'est juste, mais tout est gratos, bien sûr, parce que c'est le communisme. Hein. Et il y a des conquêtes spatiales, et des voyages intergalactiques, etc. Et c'est pour les enfants. Donc moi, j'ai lu avec beaucoup de plaisir quand j'avais 6 ans, 7 ans. Maintenant, je lis ça à mes enfants, même que je ne suis pas communiste du tout. Mais vous diriez que cette littérature-là, c'était une littérature propagandiste ? Parce que les Strugatsky, ils ont eu des problèmes avec la censure quand même à un moment donné, oui, sur la fin de leur carrière. Les Strugatsky, ils ont commencé comme des grands fans de communisme, mais relativement tôt, quand ils ont été dans leur quarantaine, plus qu'elles comprenaient que en fait, la voie prise par le gouvernement et l'idéologie, c'était voie qui n'amenait en fait nulle part. Là, elles comprenaient qu'ils ont compris qu'il faut changer des choses. Ils commençaient à critiquer le pouvoir, le système. Et là qu'ils ont été censurés. Il y a ce bouquin dont j'ai parlé qui s'appelle La ville condamnée. Elle a été écrite dans les années 60 et juste publiée pendant la perestroïka. Donc c'est déjà la fin des années 80, juste avant la chute de l'Union soviétique. Voilà. C'est ça, parce que vous disiez, Dmitri Gloukovski, dans une interview, que la Russie est par tradition un pays de censure. La SF permet de la contourner, de dissimuler des critiques politiques et sociétales. Pourtant, la critique sociale chez les Strugatsky dans Stalker, elle est juste derrière les lignes. On la voit, elle est très très visible. C'est ça, mais Stalker, je dirais pas que c'est l'ouvrage le plus critique. Si vous prenez cette ville condamnée, en fait, l'idée c'est que il y a une ville virtuelle. Qui existe nulle part, on ne sait pas où c'est, et les gens sont genre enlevés de leur vie normale et placés dans cette ville virtuelle où tout le monde sont égaux, ils changent de profession, il y a des Russes autant que des Français, autant que des Allemands, ils parlent une langue, ils ne comprennent pas laquelle. Et la chose principale, c'est qu'il y a un expériment qui est en fait effectué sur les gens-là. Ils ne comprennent pas ni la destination, ni les raisons, ils connaissent pas les gens qui font l'expérience sur eux, etc. Donc c'était une métaphore très puissante, surtout pendant les temps de la censure soviétique, de ce qui se passait dans l'Union soviétique. Pourquoi on devait vivre cet expériment? Qui sont les expérimentateurs? Et pourquoi ils pensent qu'ils ont le droit de nous utiliser comme les rats de laboratoire et qui leur donne ce droit en fait moral? Et c'est quoi le but de cet expériment? Donc c'était vraiment la chose que nous avons vécu. Une autre chose maintenant, c'est que beaucoup de gens, juste comme dans le cas de Brexit, en Angleterre, juste sont nostalgiques pour l'ancien, je sais pas, pour les anciens temps ou pour l'ancienne grandeur de l'Union soviétique, la grandeur impériale, comme un peu partout dans les anciens empires, même ceux comme la France qui le supprime, mais pas comme les États-Unis, c'est un empire qui est toujours présent, mais nous, comme la Grande-Bretagne, comme l'Hongrie, nous avons toujours cette nostalgie pour les anciens temps où on a été en empire respecté, dont les gens ont eu peur. Et plus tu as une faillite dans ta vie quotidienne, comme nous maintenant, plus tu es nostalgique pour les temps où moins ton pays a été respecté, même si ta vie toujours coûtait rien. On va en venir à votre projet littéraire, effectivement, qui est un projet très critique, Dmitri Strugatsky. Je le disais tout à l'heure, Métro 2033, vous commencez la rédaction de ce roman très jeune, très tôt, pendant vos études. C'est avant tout un projet politique, avant tout un projet littéraire, les deux en même temps. Comment est-ce que l'idée de Métro 2033 germe? C'était vraiment un bouquin que j'ai commencé très jeune. Moi je me suis mis à l'écriture à l'âge de 17 ans, juste après avoir terminé l'école. Et l'idée m'est venue dans mes années de l'école. Parce que, en fait, je faisais le trajet quotidien de ma maison jusqu'à mon école. C'était une heure avec deux correspondances dans le métro de Moscou. Et un jour, j'ai découvert que, en fait, c'est le bunker atomique le plus grand au monde qui était construit dès le début ensemble avec le métro de Moscou comme un refuge nucléaire qui était censé sauver autant de vies de citoyens moscovites que possible dans un cas d'un bombardement nucléaire. On peut préciser rapidement pour les auditeurs l'argument, l'histoire de Métro 2033, c'est post-apocalyptique, il y a eu une apocalypse nucléaire. Les moscovites se sont réfugiés, certains, ceux qui ont survécu, se sont réfugiés dans le métro, se constituent en communauté, en fonction des lignes, en fonction des stations. Et puis, dans le noir, il y a d'autres choses qui rôdent, pour le dire. Ils ont reconstruit d'une façon un peu, je dirais, caricaturiste, la société qu'on a vue dans le XXe siècle. Donc, il n'y a plus de son système central du gouvernement. Et les stations deviennent un genre de city-states, les petits états médiévaux, mais basés sur les stations différentes. Donc, il y a des communistes, il y a des nazis, il y a des stations plutôt démocratiques, il y a des cultes religieux, etc. Et ils reproduisent sans sachant et puis sans puissant reconstruire quelque chose de nouveau. Ils reconstruisent le monde que nous avons connu dans le XXe siècle. Et donc, c'est censé de leur faire répéter les mêmes fautes, les mêmes erreurs, oui. Et les mêmes erreurs qui ont déjà amené l'humanité à une chute totale, à un cataclysme et à une catastrophe. Donc voilà, c'était un peu une réflexion sur la question pourquoi est-ce qu'on est censé éternellement répéter les erreurs du passé et pourquoi on n'arrive pas à en prendre des choses, même si ce sont des erreurs fatales. Et ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui avec la levée de l'extrême droite, avec la levée du populisme, autant en Russie qu'aux États-Unis, qu'en Europe de l'Est, ici en France un peu aussi, ouais, mais pas autant heureusement qu'en Pologne ou qu'aux États-Unis, hein. Et là, ma prédiction à l'époque, et moi j'avais 20 ans, moi je vais avoir 40 cette année, ce qui est très triste, je trouve. Mais non, c'est très bien la 40 ans, arrêtez de dire n'importe quoi. C'est super. D'accord, bon. On adore. on adore 40 ans. Ouais, bon, l'idée c'était de dire qu'une fois qu'une génération qui a vu une guerre meurt, une fois que tu n'as pas ton propre père ou mère, ou au moins ton grand-père qui te raconte les horreurs d'une guerre, que toi, tu perds la peur. Tu penses que c'est rien de terrible. Hein. Et une fois que les gens qui ont vu la guerre meurent eux-mêmes, que nous perdons une peur et nous commençons à de nouveau jouer avec cette idée. Ou idée de la haine en être humain différent, ou utiliser ou légitimiser l'utilisation de la peur comme un facteur dans la politique pour rejeter et pour consolider. Vous le dites beaucoup, hein, ça, Dimitri Gloukovski, dans toutes les interviews, vous dites la Russie, son pouvoir, la dernière chose qui lui reste, c'est le pouvoir de la peur. Absolument. Vous avez suivi Vladimir Poutine quand vous étiez journaliste, puisque vous avez été journaliste, c'était la première partie de votre carrière, et en fait, c'est son rapport diplomatique finalement avec les autres chefs d'État, c'est la trouille. Ouais, bon, c'est lui étant ancien KGB, donc c'est on appelle ça déformation professionnelle. Et quand tu es formé comme quelqu'un qui doit être paranoïaque, tu l'es pour le reste de ta vie. Un dernier exemple de chef de service secret qui devient chef d'État, je pense que l'Empire romain, avec la garde prétorienne, quand ils juste butaient les empereurs pour s'approprier du pouvoir, mais un ancien agent secret ne peut pas être un leader politique. Un leader politique, c'est quelqu'un qui voit en futur. Les agents de service secret, c'est les personnes qui sont formées et déformées, en fait, pour trouver les menaces et pour éliminer les menaces. Ce sont les gens qui construisent sans cesse des murs au lieu de construire des ponts, qui n'ont pas de vision de futur parce qu'ils s'occupent tout le temps de présent. Voilà, et M. Poutine, malheureusement, il trouve beaucoup plus d'inspiration dans le passé que de futur. Il ne nous en parle pas de futur, juste dans du passé, de notre grandeur ancienne, de notre accomplissement, du fait qu'on a été respecté par tout le monde, etc. Mais c'est vraiment, ça détruit, ça nous bloque. Et la Russie est bloquée, malheureusement, dans le passé, en essayant de reconstruire l'Union soviétique à la con, au lieu d'envisager un projet de réformation et modernisation qui nous permettrait de rejoindre en fait la famille des pays européens, des pouvoirs européens civilisés. Ce qui est assez passionnant, Dmitri Gloukovski, dans votre trilogie, hein, parce que Métro 2033, c'est le premier tome d'une série de trois, il y a 2034 et 2035, c'est que cette trilogie, elle évolue avec l'actualité. Métro 2033, c'est vraiment le roman de la chute de l'URSS. Absolument. Vous le dites, hein. Métro 2033, c'est une métaphore, je dirais, de notre vie post-apocalyptique qu'on n'allait que connue dans les années 90. Je dirais, c'est un monde, bon, je vous décris, le métro de Moscou, c'est un système de métro le plus beau au monde. Nous, on a des stations qui vous ressemblent, des musées, des palais, avec de marbre, de granit, etc. Donc, c'est des statues à l'ancienne, à l'antique, je dirais, mais glorifiant, bien sûr, les exploits du peuple soviétique pendant la Révolution, la Seconde Guerre mondiale. Dans mon roman, vu qu'il y a un bombardement atomique et le monde entier est apparemment détruit, on est bloqué dans ce refuge, dans ce énorme bancaire, dans ce environnement de musée qui glorifie le passé. On n'est pas capable de ressortir sur la surface parce que la surface est contaminée par radiation. Et on n'arrive pas à construire de nouvelles stations même sous la Terre parce qu'on n'a plus de technologie. Donc on reste bloqué dans le passé. Et tout ce qui est donc... ce bouquin reflétait plus la situation politique dans les années 90 avec l'abondance des idéologies et des partis politiques. Parce qu'après, bien sûr, ça a été tout monopolisé par M. Poutine qui a juste supprimé la politique indépendante et variée en remplaçant par un régime qui était basé sur la corruption. Et corruption, chez nous, faut pas penser que c'est une maladie du système, c'est le système même. La corruption, c'est surtout un moyen, c'est vrai, de contrôler la loyauté des bureaucrates, des politiciens, et du système de la répression, enfin la police, les services secrets. Vous permettez aux gens de voler l'argent ou de taxer illégalement le business, ils savent qu'ils ont accès à des énormes argent 10 fois, 100 fois plus qu'ils auraient jamais gagné d'une façon légale, mais ils sont coupables. Ils savent qu'il y a des autres services secrets, ou la KGB, enfin la FSB par exemple, qui ont des dossiers sur eux. Donc ça donne du coup une absence d'idéologie, parce que nous on ne peut plus vraiment croire à une idéologie. On a une boîte de gueule contre l'idéologie après avoir s'enivré pendant 70 ans. Une gueule de bois. Gueule de bois, pardon. Ouais. Gueule de bois. Mm. Donc voilà. Mm. Et là, on ne pouvait plus. Donc, corruption a été utilisée pour contrôler la loyauté de l'État. Des membres de parlement à généraux de police à je ne sais pas quoi. Donc, sur tout le niveau. Et ça fonctionne. C'est un système, comme vous voyez, qui ne donne pas de révolte. Les gens ne se révoltent pas contre Poutine. C'est un peu à la mafia, mais bon, c'est efficace. Donc, le dernier, par contre, bouquin de la trilogie Métro... Oui, parce que de Métro 2034, c'est un peu une histoire à côté. C'est la chute de l'Union soviétique. Voilà. Et ça a été écrit, ça a été publié la première fois en 2005, donc ça fait déjà 15 ans presque. On peut dire un mot, c'est-à-dire que vous avez cherché des éditeurs, vous n'en avez pas trouvé, vous avez mis le texte en ligne gratuitement sur Internet, et puis les gens sont venus... Et vous, en fait, vous avez entamé un dialogue avec vos lecteurs qui vous ont dit « Ah, mais il faudrait corriger ça, etc. » Et du coup, vous avez augmenté l'œuvre suite au succès que ça a rencontré sur Internet, et à tel point qu'à la fin, c'est les éditeurs qui sont venus vous manger dans la main pour le publier. Voilà. C'était les gens qui m'ont rejeté étaient très, très heureux de m'accepter. Malgré le fait, bien sûr, que ça n'était pas un miracle et c'est pas devenu un best-seller instantané. Ça a quand même pris encore 2-3 ans pour le démarrer effectivement, pour le transformer en best-seller international. 500 000 exemplaires en Russie, c'est ça ? Pardon ? 500 000 exemplaires en Russie ? Plus 1 million. 1 million maintenant, ouais. D'accord. Et, le temps passe. Le temps passe. Tant mieux. Il y a effectivement deux suites et c'est intéressant parce qu'on voit donc cette société du futur, cette dystopie évoluer en résonance avec l'actualité. Et vous n'y allez pas de main morte hein, dans le dernier Métro 2035. Vous dites l'idée était de montrer la différence entre ces deux Russies, entre celle d'aujourd'hui et celle d'hier. Et vous dites toutes les générations n'ont pas l'opportunité de voir comment naissent les États fascistes. Parler de comportement hitlérien de Vladimir Poutine, il y a des gens, des compatriotes à vous, qui ont payé des prix très chers pour avoir ce genre de discours. Vous avez déjà subi des pressions, Dmitri Glukhovski ? Honnêtement, non. Ça serait mieux de dire oui. Non, c'est plutôt mieux de dire non. Pas encore. Je pense que les grands avantages d'avoir quelqu'un qui aime bien le style de mafia, des services secrets au pouvoir, ce qu'il n'a, lui, il n'a pas d'idéologie lui-même. Donc, on n'est pas puni d'avoir pour avoir une idéologie maintenant. Et on n'est pas puni pour professer une idéologie qui est contraire à ce que l'État professe, parce que l'État n'a aucune idéologie. On n'est ni ni de gauche, ni de droite, on est très situationniste, et on a juste, les gens qui sont au pouvoir, ils ne persécutent qu'un seul but, c'est de rester au pouvoir pour toujours. Donc des menaces profondes, des menaces immédiates, ils veulent les éliminer, neutraliser, mais un gars qui écrit une critique sociale, politique, sous une guise de science-fiction, peu importe. Mon but propre, c'est de ne pas faire politique de la rue, mais plutôt d'influencer les générations qui viennent et qui vont remplacer la génération qui est maintenant au pouvoir. Donc, pour moi, c'est un long shot. C'est une vision à long terme. Ouais, voilà. Donc, j'essaie de former. Métro 2033, surtout, c'est un bouquin qui est vachement populaire avec des jeunes. À raison de l'existence des jeux vidéo basés là-dessus. On va en reparler. Ils sont aussi, moi je l'utilise comme mon arme idéologique un peu. Alors puisqu'on en parle, allons-y justement. Métro 2033, on va écouter la bande-annonce de ce jeu vidéo. C'est en anglais, mais on va essayer de vous le traduire rapidement après. The sun on my face. Fresh air in my lungs. The grass beneath my feet. I've heard of such things. Yet I live in a world without them. An underground world. Voilà. On entend on a trouvé, parce que comme c'est un jeu vidéo qui se vend à l'international, normalement il n'y a pas de mots, on a trouvé cette bande-annonce en anglais où on entend le personnage principal qui rêve de ressortir à l'air libre. Ouais, tout à fait. Donc le personnage principal de Metro 2033, dès le premier bouquin jusqu'à Dornier, c'est une trilogie qui est terminée, il rêve de pouvoir de ressortir sur Artyom. Il s'appelle Artyom, c'est un jeune gars qui a été né sur la surface avant la guerre, qui retient encore des mémoires de la vie avant la guerre, de la vie quand les êtres humains possédaient la surface et ont été les maîtres du monde entier avant qu'eux-mêmes ne détruisent pas le monde. Et son rêve, son seul rêve, c'est de pouvoir ressortir et de ramener les autres qu'ils pensent condamnés s'ils restent dans les catacombes, qu'ils vont devenir les hommes de caverne. Ils veulent le faire ressortir sur la surface un jour. Mais tout le monde croit qu'en fait, le monde entier ne reste pas. Il n'y a rien, le monde est détruit. Donc, dans le Métro 2035, le dernier bouquin... Qui est la conclusion, où on retrouve Artyom. On retrouve Artyom encore, en essayant de trouver d'autres survivants et d'autres endroits sur la Terre qui ne sont pas encore contaminés. Il en fait va parvenir à les trouver, mais après, il va essayer de convaincre les autres qu'ils peuvent sortir du bunker. Et les gens ne veulent pas sortir du bunker. Et même quand il est clair sur ce sujet-là, en disant que vous pouvez, la contre-propagande qui dit « Mais non, vous êtes là-bas parce que la guerre n'est pas encore terminée », bon, c'est ça la vraie raison. Bon, on avoue qu'il y a une vie ailleurs, mais vous ne pouvez pas ressortir parce que la guerre avec l'Occident, avec les États-Unis, continue toujours. Et c'est pour ça qu'on doit vous cacher là-bas, parce que si vous ressortez... Ils vont vous percevoir et ils vont nous finir avec les ailes. Bon, bien sûr que c'est, comme un sujet, c'est juste une métaphore de ce qui se fait maintenant en essayant de nous faire rentrer idéologiquement à l'époque d'une guerre froide pour laquelle on n'a aucune raison maintenant. Parce qu'avant, on essayait de partager le monde entre les idéologies. Mais maintenant, nous, on n'a pas d'idéologie. Mais je ne suis pas sûr que Trump ait une idéologie ou que la France a une idéologie quelconque. Le temps des idéologies, c'est un peu terminé, là. Par contre... Les politiciens ont redécouvert la lutte et une guerre, maintenant, heureusement, plutôt virtuelle, comme un moyen de garder les populations sous contrôle, de les mobiliser, de diriger les votes en utilisant la peur comme un instrument presque universel de manipulation de population. Et l'évocation de la fierté nationale aussi, hein, l'évocation de la fierté nationale pour dire au moins maintenant nous sommes fiers d'être russes parce qu'on fait peur à tout le monde. On juxtapose soit en autre les Russes aux Américains, les Américains aux Russes, les immigrants aux populations d'ici, les immigrants de deuxième vague, les immigrants de première vague. Partager, ça marche, mais ça me déprime notre incapacité vraiment d'apprendre des erreurs du passé. Et comme les nouvelles générations se manipulaient avec les mêmes exactement instruments que les générations des années 30. Et ça marche encore. Mais nous, on sait comment c'est fini la dernière fois. Et en fait, d'une façon plutôt paradoxale, la seule chose qui nous retient dans notre conflit mondial, ce sont les armes nucléaires. C'est le prix qu'on devrait payer si ça vraiment va en direction enfer, quoi. Et c'est pas d'autre chose que les missiles et des bombes nucléaires qui nous retiennent d'une guerre atomique. C'est un peu bizarre quand même. Un mot sur cette adaptation en jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est ce qu'on appelle un FPS, un first person shooter, c'est-à-dire que c'est ces jeux où on voit le jeu à la première personne et le but c'est d'aller dans les couloirs obscurs du métro et de lutter contre des créatures qui nous sautent dessus. Vous avez le sentiment, pour au moins le premier opus et puis peut-être les deux autres qui s'éloignent de vos livres. Hein. Les deux autres ne sont plus totalement liés. Ce sont plus les adaptations de 2034 à 2035. Mais vous avez le sentiment malgré tout que ce jeu vidéo, il a gardé une dimension politique. Absolument. Déjà, premièrement, les jeux vidéo, ils ont vendu une dizaine de millions de copies partout au monde. Et pour cette raison-ci, c'était super important pour moi de garder l'intégrité de l'histoire, du sujet. Sur Métro 2033. Sur tous les. Sur les trois. Sur les trois. D'accord. Et donc, moi, j'étais co-créateur de Exodus. Exodus qui vient de sortir le 15 février. Le 15 février, tout à fait. Donc ça vient de sortir, pour l'instant c'est le jeu le plus grand et ambitionné de la série, avec un budget de plus de 30 millions d'euros de développement, et c'est une sortie mondiale, et surtout parce que ça va au public tellement vaste. C'était très important pour moi de garder l'intégrité de la série idéologique, et une intégrité au niveau de storytelling, enfin raconter l'histoire que je raconte. Donc moi, j'ai dû co-créer cette histoire avec les développeurs. Et oui, donc le jeu Metro Exodus reprend l'histoire, le sujet exactement où Metro 2035, le bouquin, se termine. Donc c'est une saga suite, transmédiatique. C'est une suite. Le jeu est une suite du roman. Donc ils font la découverte d'existence d'une vie ailleurs et ils doivent s'enfuir de Moscou, du métro de Moscou, parce qu'ils sont persécutés par les gens de pouvoir qui ne veulent pas que cette découverte devienne publique. Donc ils doivent partir en voyage en transsibérien, en genre de train blindé, pour faire des découvertes des autres sociétés qui sont parues sur les ruines d'une Russie post-apocalyptique. Ce qui est amusant, c'est que la société qui développe ces jeux, 4A Games, ont développé aussi Stalker, une série de jeux vidéo qui sont très très bons d'ailleurs, à partir de ce qui est beaucoup plus marrant, que ce sont une société ukrainienne. Et nous, comme vous savez, les dernières 5 années, la Russie est dans un conflit armé, dont nous sommes bien sûr l'origine, avec l'Ukraine. Et Poutine, étant effrayé par une possibilité d'une révolution de rue que l'Ukraine a connue dans l'année 2014 avec Maïdan, Poutine a tout fait pour décrédibiliser la politique de rue en Russie et en Ukraine, en désignant les révolutionnaires ukrainiens comme les nazis et l'extrême droite. Et voilà, donc et après on a utilisé ça pour prendre la Crimée et pour commencer une guerre dans l'est de l'Ukraine. Donc nous, heureusement que moi j'étais critique depuis toujours pour ces assez pratiques de Poutine, pour moi comme un analyste soit proclamé de la propagande et de manipulation, pour moi c'était très transparent, mais pas même pour mes parents, hein, et pas pour une grande partie de mes amis qui ont cru cette propagande, qui ont cru que Poutine en Crimée défend la population russe contre les nazis ukrainiens qui continuent l'occupation allemande. C'était ça la version de la propagande russe. Et vu que les images de guerre, de la grande guerre patriotique et cette grand sacrifice du peuple soviétique qui a payé 40 millions de vies pour cette victoire, c'est toujours une image très puissante chez nous. On a pu s'en servir pour n'importe quel but, y compris pour inspirer et soutenir une guerre civile en Ukraine et pour de facto occuper des parties assez importantes de ce pays qui était pays voisin et qui était pays fraternel. Un mot toujours pour conclure sur cette vaste univers que représente aujourd'hui l'univers que vous avez créé autour de Métro 2033. Il y a donc les romans, il y a les jeux vidéo et vous avez aussi ouvert une plateforme sur Internet où vous appelez n'importe qui, vos lecteurs, à continuer à développer des histoires dans cet univers. D'ailleurs, il y a l'un de ces romans qui a été publié par l'Atalante, Andrei Diakov, Vers la lumière. Ouais. Aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 70 romans. J'ai même vu passer un Paris 2033 par Pierre Bordage. C'est vrai ça, ça il était ici l'année dernière, Pierre Bordage. On s'entretenait avec lui ici. Moi j'ai été avec lui juste il y a demi-heure, donc une demi-heure. Et en espérant, oui. Donc il y a le projet qui s'appelle l'univers de Métro 2033 et c'est une initiative qui permet aux autres auteurs d'explorer le même monde imaginaire que moi j'ai décrit et j'ai créé dans la trilogie Métro. Donc les gens des autres pays ou des autres villes peuvent venir et découvrir leur propre ville, pays natal, NATO, dans ce projet. Et nous, on a déjà publié plus de centaines de bouquins. Et c'est pas nécessaire que ça soit Métro ou les bunkers. Ça peut être la surface parce que Artyom découvre que la vie sur la surface existe. Ça peut être des voyages de sous-marins nucléaire dans l'océan, ou ça peut être les histoires genre Jack London. Toujours avec une dimension politique, parce que quand vous les sélectionnez... Ça dépend. Parce que par exemple, pour les romans écrits par mon collègue italien Tullio Avoledo, c'est surtout les dimensions religieuses, je dirais. Pour lui, une image d'un monde abandonné par un dieu, et lui, il vient d'une famille catholique, bien sûr, et lui est un athéiste, donc c'est ça. Le conflit plus important pour lui que de faire des caricatures sur la politique italienne d'aujourd'hui, parce que déjà, dans les médias italiens, il y a plein de caricatures. C'est une société beaucoup plus ouverte que la nôtre. Pour nous, la religion, c'est pas tellement important, parce que c'est surtout les thèmes politiques et sociaux qui sont censés et censurés. Donc, les écrivains polonais, par exemple, s'en servent de cette métaphore d'un monde après l'apocalypse, pour parler de leurs héritages très controversés soviétiques. Qu'est-ce qu'ils doivent ou veulent garder de choses certaines de là-bas? Parce que, bien sûr, leur désoviétisation était très brusque, était rapide, mais pas exactement comme dans beaucoup de pays de l'Europe de l'Est. Les gens, au bout d'un moment, sont nostalgiques. Même si le régime a été beaucoup moins humain et les gens ont été réprimés et déprimés, quand même, juste par les raisons de l'âge, au bout d'un moment, tu deviens nostalgique pour les temps quand tu as été jeune. Donc, c'est ça que l'Hongrie voit, la Pologne et d'autres pays. Donc, eux, l'explorer ce sujet-là, l'héritage soviétique, social, mais aussi au niveau d'architecture et de politique, dans les romans qu'ils ont écrits en polonais. Et après, on peut traduire les romans polonais en russe, les romans français en russe, le russe en français, quand on le fait. Et bien sûr, on attend avec beaucoup d'espoir que M. Bordage entame ce projet et nous rejoigne. On regardera ça aussi, évidemment, avec beaucoup d'intérêt. Le temps file, on pourrait passer des heures à vous écouter, c'est passionnant. Peut-être un mot sur ce recueil de nouvelles, les nouvelles de la mère patrie qui vient de sortir, donc là, toujours chez l'Atalante, qui est aussi un drôle de visage de cette Russie contemporaine que vous dépeignez. Alors, l'ouvrage est un peu plus ancien, je crois qu'il a 5 ans. Mais néanmoins, on trouve dans ces nouvelles un ton plus grinçant, plus mordant, caricatural, humoristique. Je pense par exemple à cette nouvelle incroyable où les extraterrestres reviennent sur Terre, et il y a un journaliste qui est là qui va pouvoir faire un reportage en direct, mais non, son reportage alors que les extraterrestres arrivent ne passe pas parce que on n'arrête pas de remettre des reportages sur le président et sur le premier ministre pour respecter un équilibre politique. Vous essayez un peu justement la caricature de Dmitri Glukhovski? Ouais, en fait, C'était à l'époque quand je pensais qu'on peut vraiment moquer du régime et ça va faire les gens penser. Maintenant, je pense que juste se moquer du régime, ça n'aide pas. Il faut l'attaquer d'une façon plus ouverte, ce que j'ai fait dans Métro 2035. Mais le sujet que vous avez raconté, c'est pas le seul sujet marrant. Non, il y a un autre sujet, oui, c'est sur un vieux savant, un géologiste, qui découvre en fait les portails d'enfer. Vers l'enfer. De l'enfer, voilà, ouais. Ça. Donc, en faisant une mine très profonde, ils veulent enregistrer cette découverte, mais il y a quelqu'un qui l'approche en disant qu'il peut pas le faire public. Il demande, mais pourquoi? Il est assuré que la découverte a été déjà faite il y a beaucoup de temps. Mais il dit, mais par qui? Qui vous êtes? Il dit, moi, je suis quelqu'un de Gazprom, en fait. Et on a fait cette découverte il y a un moment, et on a en collaboration avec l'enfer pour fournir du gaz à toute l'Europe. Pour pomper le gaz et pour envoyer en Europe. Une dernière question pour conclure cet entretien, Dmitri Glukhovski. Aujourd'hui, vous vous sentez comme un écrivain dissident, comme un auteur dissident, comme un opposant politique. Comment vous vous définiriez? Vous savez, on s'habitue à choses. Et moi, je juste continue mon truc. Et je fais toujours des articles d'opinion politique, critique, sociale. Et je continue à charger toutes mes histoires des messages politiques, bien sûr, parce que c'est déjà une partie de ma nature. Est-ce que je me considère comme un dissident? Franchement, ce ne sont pas les temps de l'Union soviétique. C'est clair qu'on a des certains journalistes, malheureusement, des certains politiciens qui ont été assassinés. En même temps, c'est pas Chili de Pinochet même. Et bien sûr, c'est pas l'Union soviétique de Brejnev, de Staline. On a des certaines réprimandes, répressions politiques, mais c'est pas en masse. Donc, moi, je bavarde les mêmes choses que je vous dis ici, à la radio russe. Et j'entre, je ressors de l'Union soviétique, de la Russie, librement, et jamais eu aucun problème. Vous vivez plus à Moscou, néanmoins? Je suis entre Moscou et Barcelone, d'accord, mais j'y vais chaque 2 semaines, plus ou moins. Donc, je suis autant là-bas qu'en Europe. Et c'est clair que moi j'ai vécu un moment ici là, y compris Lyon, où j'ai passé 3 ans relativement heureuse de ma vie. Je veux dire, les mêmes choses qui sont ouvertement critiques, je me permets là-bas et je suis toujours en vie et j'étais pas franchement jamais menacé. Je pense que pour le régime qui est au pouvoir, c'est surtout les choses très pragmatiques. On va pas tuer quelqu'un juste pour les choses que quelqu'un dit. C'est pour les choses que quelqu'un fait. Et heureusement, j'ai pas d'intérêt dans la politique. Mais je pense que c'est très important de ne se pas censurer et de se taire quand on ne te demande pas de se taire, comme M. Chirac a dit. Voilà. Merci beaucoup, Dmitri Glukhovski. Merci infiniment d'avoir été avec nous. On vous recommandera jamais assez chaleureusement d'aller découvrir cet univers littéraire, la série, la trilogie Métro 2033, 34, 35, Les Nouvelles de la Mère Patrie, votre dernier roman qui est un roman policier texto, c'est tout ça, c'est chez La Talente, traduit entre autres par Denis Detraz, Denis Savine et Julia Vanitz. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Mathieu Lefrançois, Tom Imdenstock, Céline Lozen, Éléonore Pérez, Noémie Neguet, Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation, aujourd'hui Emmanuel Morse-Duncan, Sébastien Huel et Martin Guénard à la technique. La semaine prochaine dans La Méthode Scientifique, lundi nous parlerons des Français qui dorment de moins en moins, du coup on fera une émission sur l'insomnie. Mardi, nous irons nous intéresser aux nuages avant qu'ils ne disparaissent. Mercredi sera question du pilotage des avions de ligne et de l'automatisation. Jeudi, nous vous raconterons l'histoire de la psychiatrie. Et vendredi, eh bien, ce sera un vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Demain, à 16h, ne ratez pas les sciences, toujours sur France Culture, avec la conversation scientifique du camarade Étienne Klein. Nous, on se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.